Darnacrot revient avec un nouveau sujet d'actualité. Ouais, les papus, les négros bâtards, quand t'es pas assis dans le but aux heures de pointe. Nique les papus, les négros bâtards, tu pues l'urine, tu pues la rine. Nique les papus, les négros bâtards, quand t'es pas assis dans le but aux heures de pointe. Nique les papus, les négros bâtards, tu pues l'urine, tu pues la rine. La révolte approche peu. Nique les papus, tu vois c'est ma vie marcher avec sa canne. Brûle sa canne, brûle sa canne. Quand tout le monde se vient d'en jouir de son potager. Arrache ses patates, arrache ses patates. Peut-être qu'on avait pu doucement, on les parle. Tout le monde que celui qu'on demande à notre pays. Il faut les pendre, il faut les pendre. Qu'est-ce qui nous emmerde avec un repas de famille? C'est le bon moment d'égorger la vieille. Entre juste ça pue le vieux. C'est la grosse casse. Lève avec nous le point contre ces vieux. Nique les papis, nique les papis. Nique les papis, les négros bâtards. Quand t'es pas assis dans le but aux heures de poids. Nique les papis, les négros bâtards. Tu pues l'urine, tu pues la rine. Nique les papis, les négros bâtards. Quand t'es pas assis dans le but aux heures de poids. Nique les papus, les négros bâtards, tu pues l'urine, tu pues la rine. Faudrait peut-être pas oublier que ces papis là, ce sont nos aînés, tu vois. Que c'est grâce à eux qu'on a le soleil chaque matin. Que c'est grâce à eux que le sang coule dans nos veines. Que c'est grâce à eux que quand t'allumes la télé, tu peux rire des fois. Enfin, je déconne, c'est bon. La bombe qui vous les pense, c'est que le papé t'a ma paix.